Chapitre 14e, le guet-apens. Nous allons laisser Pedro Diaz à ses espérances et nous raconterons sans plus de retard la scène étrange qui s'était passée après l'arrivée de Don José sur le plateau de la Montagne Noire. Le chef Comanche, on se le rappelle, avait annoncé à Carmela que le moment d'agir était venu. Aussitôt ces paroles prononcées, il avait pris un rouleau de lasso noué les uns aux autres et attaché solidement l'une de ses extrémités au tronc d'un chêne qui surplombait la montagne. Pendant cette opération, deux guerriers s'étaient approchés en rampant. Le capitaine Maresco, occupé à fumer sa cigarette, ne les avait ni vus ni entendus venir. Il fit un soubresaut qui aurait provoqué le rire de la créole si en ce moment elle eût songé à rire. « Vous avez bien retenu mes paroles, » dit le chef aux deux peaux rouges. Aussitôt que l'homme pâle aurait été lié à l'autre extrémité de ce lasso, vous le hisserez sur cette plateforme. » Les deux Comanches répondirent par un signe affirmatif. Le lynx des prairies saisit alors le lasso, se laissa glisser jusqu'au bas de la roche à pic, et il se trouva au milieu du campement sans que rien n'eût dénoncé sa présence. Les feux qui avaient été allumés pour le repas du soir ne jetaient plus que de pâles lueurs. Le chef indien, avec l'agilité des hommes de sa race, fut en trois bonds auprès du duc Jean, qui dormait d'un sommeil léthargique. Il le prit dans ses bras musculeux, le roula dans sa couverture de voyage et l'attacha au lasso qui pendait le long du rocher. Bientôt la corde de cuir se tendit et le corps du dormeur, hissé par les deux peaux rouges accroupis haut sur le bord du plateau, disparut au milieu de la masse sombre de la montagne. Cela fait, le chef Comanche sortit en rampant du campement afin de savoir ce que Pedro Diaz était devenu. Laissons-le à ses recherches et revenons au duc Jean. Hissé sur le sommet de la roche noire par les deux peaux rouges, il fut aussitôt dépouillé de ses vêtements et revêtu de ceux du bâtard. L'échange des costumes effectués, José, devenu possesseur du portefeuille qui renfermait tous les papiers de Jean, acte justifiant de son identité, testament du duc de Clodion et lettre d'introduction auprès du marquis de Kergal, le passa à Carmela, qui, après l'avoir ouvert et examiné attentivement son contenu, le lui rendit avec un sourire de triomphe. « C'est bien, » lui dit-elle, « tout marche comme je l'avais prévu. Maintenant, enveloppez-vous dans la couverture de votre frère, allez occuper hardiment sa place dans le campement, et demain matin, quand vous vous réveillerez, vous serez non plus José le bâtard, mais le duc Jean de Clodion. » « Quand vous reverrai-je ? » lui demanda Don José. « Dans trois mois, » répondit-elle. « J'irai en France vous rappeler le serment que vous m'avez fait. »« Ce serment, que je vous renouvelle ici, je le tiendrai loyalement, » répliqua le bâtard en lui baisant la main. « C'est ce que nous verrons, méchant duc de contrebande, » ricana dans son coin le capitaine Maresco. Don José était adroit et vigoureux. Il saisit à deux mains le lasso, et quelques minutes plus tard, il était couché dans la couverture du duc Jean, à la place que celui-ci occupait un quart d'heure auparavant. Quant au véritable duc, il dormait toujours dans leur sommeil, étendu sur l'herbe humide de la montagne. Carmela, debout à quelques pas de lui, semblait absorbée dans une méditation profonde. « Qui donc te préoccupe si fort maintenant que l'escamotage est fait ?» lui demanda le capitaine Maresco en la rejoignant. « C'est le Texien, » répondit-elle, « s'il allait découvrir. » Un cri déchirant interrompit en ce moment le silence de la nuit. La jeune créole, croyant reconnaître la voix de Don José, se dressa épouvantée, puis elle courut au bord du plateau, se pencha, et elle respira longuement, en apercevant le bâtard roulé dans sa couverture près d'un reste de brasier. Au bout d'une vingtaine de minutes, le chef indien était de retour. « Qui a poussé ce cri d'agonie ?» lui dit vivement Carmela. « Le Texien est mort, » répondit-il, « les morts ne parlent pas. » La jeune créole serra énergiquement la main de l'Indien en signe de remerciement. Jusqu'à présent, le rôle du capitaine Maresco s'était borné à celui de comparse. Au fond, Maresco ne se plaignait pas de son inaction, mais son amour-propre s'en trouvait quelque peu humilié. Et il s'était plusieurs fois demandé, sans pouvoir résoudre la question, pourquoi Carmela l'avait fait venir à la Roche Noire puisque sa présence ne lui était pas nécessaire. Il ne devait pas tarder à être fixé sur la part d'action qui lui était réservée dans la tragédie qui se jouait sous ses yeux. « Vous allez maintenant emmener cet homme dans votre camp, » dit la créole, en désignant le duc Jean de Clodion au chef des Comanches. Mes guerriers ont laissé dans la grande prairie leur mustang qui était inutile ici, » répondit le peau rouge. Mon camp est éloigné, et il nous faudrait un cheval pour y conduire le visage pâle endormi. « Qu'à cela ne tienne !» répliqua Carmela. Le capitaine Marescot mettra mon ennemi en travers de sa selle et il le transportera à votre campement. » Le chef indien fit un mouvement de tête approbateur. « Comment ? Nous allons nous séparer ?» dit vivement l'aventurier, fort peu flatté du singulier concours qu'on lui demandait. « Je vais assister demain matin au départ de l'escorte de Don José, » répondit Carmela à Marescot, « et je t'attendrai ici. Je compte même faire un bon somme en t'attendant. » « Soit, » reprit le capitaine subitement radouci par cette promesse et surtout par le sourire charmant qui l'avait accompagné. Et sans défiance aucune, il suivit les deux Comanches qui emportaient le duc sur une civière faite avec des branches d'arbres. Le lynx des prairies, auquel la créole avait adressé un rapide coup d'œil en désignant l'aventurier, répondit par hochement de tête significatif, puis il donna l'ordre du départ, et quelques instants après, un silence profond régnait sur la montagne noire. Lorsque Carmela se vit seule, elle parcourut le plateau à grands pas et un éclair brilla dans ses yeux. « Maintenant, » dit-elle avec un accent de triomphe, « maintenant l'avenir est à moi. Dans 3 ans, je serai duchesse. » Puis, après une réflexion, elle ajouta, « Pauvre Marescot, mais il le fallait. C'était un obstacle. Je l'ai supprimé. » Cette jeune fille, en apparence si délicate, si frêle, avait en réalité des nerfs d'acier. Les violentes émotions qu'elle avait ressenties depuis son arrivée sur la roche noire. Il ne lui restait plus qu'une grande lassitude et un invincible besoin de sommeil. Elle s'étendit sur l'herbe, se fit un oreiller de son bras droit recourbé et bientôt elle s'endormit profondément. Ce fut le jour qui la réveilla. Elle fut debout aussitôt et courut au bord du rocher. Les péons de l'escorte du duc Jean levaient le campement de la nuit et scellaient leurs chevaux. José, que tous les serviteurs abusés par sa ressemblance inouïe avec son frère prenaient pour le jeune duc de Clodion, donna le signal du départ. Un pion lui fit remarquer que Pedro Diaz était absent. « L'a-t-on appelé et cherché ?» demanda Don José d'un ton bref. « Oui, monseigneur, » répondit le pion. « Il aura sans doute pris les devants pour éclairer le chemin, » répliqua le bâtard. « Dans ce cas, nous le rejoindrons. S'il est resté en arrière, ce sera lui qui nous rejoindra. » La petite troupe se mit en marche, et Carmela quitta la roche noire. Quelques vieux serviteurs remarquèrent bien que leur jeune maître était taciturne et triste, mais ils attribuèrent son silence et sa tristesse au vif chagrin qu'il ressentait de s'être séparé de son frère, sans certitude de le revoir. Le 4e jour se passa sans incident aucun. À la tombée de la nuit, on fit une nouvelle halte et Pedro n'avait pas reparu. Nous savons pourquoi. 6 jours plus tard, Don José arrivait à la Veracruz et s'embarquait pour la France sous le nom de duc de Clodion sans que personne n'eût soupçonné la substitution qui avait eu lieu. 1 semaine après, les péons de l'escorte étaient de retour à l'hacienda de Rio Verde et après avoir chaleureusement témoigné à Pedro Diaz leur joie de le revoir, ils lui apprirent, ainsi qu'au docteur Cavarrox, que le duc Jean était arrivé sans encombre à la Veracruz et qu'il s'était embarqué le lendemain pour la France. Il devenait dès lors de plus en plus évident aux Texiens et aux jeunes docteurs que les guet-apens tendus pendant la nuit du campement au canyon d'Oripas avaient eu pour objet l'enlèvement et très probablement le meurtre de Don José. Quant à la cause du crime, elle leur échappait et Pedro, qui portait, on a pu le voir, une médiocre tendresse au bâtard, se contenta de prescrire, pour la forme, quelques recherches qui n'aboutirent point et la chose en demeura là. Le lendemain du retour de l'escorte, le docteur Cavarrox entrait de grand matin dans la chambre du Texien. « Je viens vous faire mes adieux, » lui dit-il. « Dans 1 heure, je vous quitte. Je vais reprendre le cours de mes voyages, explorer les grandes prairies de l'Est et les montagnes rocheuses. »« Et moi, » répondit Pedro Diaz, « sous 8 jours, je serai parti. Vous allez rejoindre le duc Jean ?»« Oui. Il doit être fort en peine de moi. Et de mon côté, j'ai la nostalgie de son absence. Mais cette hacienda... » J'ai pourvu à mon remplaçant, et l'exploitation n'en ira pas plus mal, ajouta le Texien en souriant. Adieu donc, mon brave Diaz, reprit Cavarrox, en lui donnant une cordiale poignée de main. Adieu, qui sait, peut-être nous retrouverons-nous un de ces jours en France, cher docteur. Peut-être, c'est vrai, dit l'illustre savant, comme frappé d'un souvenir. J'ai donné rendez-vous à des amis, et je tâcherai de leur tenir parole. Environ 1 heure plus tard, le docteur Cavarrox, son énorme boîte en fer-blanc suspendu derrière son dos, ses deux revolvers à sa ceinture et son chapeau en poil de bigogne à large bord, crânement campé sur sa tête, sortait de l'hacienda de Rio Verde, monté sur son petit cheval gris pommelé, au milieu d'une double haie de péones et accompagné par Pedro Diaz, qui avait voulu lui faire les honneurs de la conduite jusqu'au pont-levis. Lorsqu'il eut atteint l'extrémité du pont, il s'arrêta, étendant une dernière fois la main au Texien. « Au revoir, s'il plaît à Dieu, mon brave Diaz, lui dit-il. « Au revoir, docteur, et que Dieu veille sur vous, » répondit Pedro Diaz en lui serrant la main. Fin de la première partie.